La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromages, les dimanches stout et les mardis apportez vos véniles et plus encore et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Qu'il soit symbolique ou esthétique, discret ou très voyant, le tatouage a une histoire. Il est ancré dans notre corps. Voilà pourquoi il faut bien faire les choses. Tatouage Celtique a fait ses preuves. C'est l'endroit de référence à Québec pour le tatouage et le perçage depuis maintenant 16 ans. Nos professionnels sauront vous conseiller pour faire les choix qui vous conviennent le mieux. Ils assurent un suivi personnalisé auprès de la clientèle de tous âges. Ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 20h et le samedi de 11h à 17h. Pour avoir des réponses à vos questions concernant le perçage, le tatouage, les bijoux ou le détatouage au laser, consultez notre site web tatouageceltique.com. 418-626-6158. Salut Bruno, en forme. Bienvenue à Terra Incognita, votre émission de prog hebdomadaire. Je pense qu'on va commencer par quelques nouvelles. Ceux qui sont à l'écoute ou qui étaient à l'écoute savent ont entendu parler du lancement lundi le 16 juin au cercle de Inner Odyssey de leur album. C'est un 5 à 7. Et puis, je vous parle du cercle, il y a aussi. Mardi, j'ai pas dit mardi, Bruno. J'ai dit lundi. Ah, excusez-moi. C'est des choses qui arrivent. Donc, mardi le 16, mais le 16, c'était bon. Oui, bon. Et puis, tant qu'à parler du cercle, le 20 juin, un gros hommage à Peter Gabriel, Big Time, The Secret World of Peter Gabriel. C'est à la même place. Et puis, on a appris cette semaine que PFM nous rendrait visite pour la quatrième fois, d'après moi, au Palais Montcalm le 21 novembre. Ça, c'est pas mal plus loin, là, mais on va s'en tenir plutôt au mois de juin. Et c'est à peu près tout pour les concerts. Moi, j'ai pas grand-chose. La convention, on n'en parle pas avant un bout. Bruno me regarde avec le sourire. Et ce soir, on a plein de bonnes choses, comme d'habitude, et on va commencer avec un groupe allemand. En fait, c'est le groupe de l'ancien bassiste de RPVL, Parsifal Eyes. Leur nouveau disque, The Fragments, et on écoute le premier extrait, Reach the Sky. Thank you. now darkness, useful friend, denied you long ago. Now the tears will come again, my feelings getting low. Finding moments of shining light seem strange in this cave, and painful doubts are coming up. The sun behind my wall has disappeared. I've seen your face clearer than I thought. Disappeared without a trace in a war I never mind. Shattered hopes are chasing me, still I'm running fast. No one speaks and no one talks. The sun behind my wall has disappeared. I can't reach the sky, 'cause you are here. Fill the emptiness with fear, 'cause I can see the sky. It's painted gray, till there's nothing more. Say. Will I see the open door? Was it me or was it you I was always looking for? When I'm on my way I feel no pain. Am I awake or do I dream? Can I hold it for another day? Everything could be the same. It's so hard to believe. All the sounds I'm listening to, all the dreams I dream for you, will they bring me to the place I love? Is it what I want to do? Hold me back now, please let me. Come for the human race, then it's saw the girl on the shelf, and she was shining for his smile. And she opened her mouth and cries, "Hi, and I discovered you this night. And all around these easy shapes, and your voice was guiding straight to my silhouette. Begins to withdraw guard. She has left his arm right now. And in a sudden nervous breath, he takes all of her neck. I'm som en fräs som förstått. Någon mening finns nog där mellan blommor och gevär. Jag känner inget här. Och min mening, och meningen är, och meningen är, och meningen är. We'll be right back. Milena. Vous avez compris que c'est un album en concert. En fait, c'est un mini-album en concert d'un groupe qui a pour nom Ma... Là, je le prononce sûrement pas tout à fait comme ça doit se faire, là, mais parce que c'est un A avec un petit cercle sur le dessus en suédois. Donc, on m'a dit que ça faisait comme Moran. Moran. Moran. En tout cas, c'est quelque chose d'approchant. En français, on dirait Maran. M-A-R-R-A-N. Et c'est le groupe du claviériste Max Lorenz qu'on a eu le bonheur de voir en mai dernier avec Kaipa da Capo. Et c'est un groupe qui tourne pas mal en Suède, apparemment. Ils ont au moins 3 disques à ma connaissance, dont celui-ci, qui a pour titre Vid Live. C'est un mini-album en concert. Et comme vous avez pu le voir, ben, M. Lorenz, évidemment, c'est un amateur d'orgue. Et comme on a pu le constater aussi, d'ailleurs, lors de la dernière convention Terra, un vrai plaisir de voir Kaipa da Capo, Ryan Stout en forme et de bonne humeur. Et vraiment, vraiment, il était dedans. C'était de toute beauté. Petit souvenir, hein? On regarde en arrière 2 secondes juste pour se faire plaisir. Et puis, ben, on avait avant, il y a ça nous vient d'Italie. Un groupe que moi j'avais beaucoup aimé leur premier disque, Camellia's Garden. Ça aussi, c'est un EP, un mini-album qui a pour titre Kite. J'aurais bien aimé qu'ils en fassent un peu plus parce que ce qu'on retrouve sur ce disque est vraiment bon. Et c'est peut-être, j'espère que c'est juste un hors-d'œuvre en attendant là, que le vrai second disque arrive. Et puis on avait amorcé avec Parsifal's Eyes, le groupe de l'ancien bassiste d'RPVL. C'est leur deuxième, sauf erreur, D-Fragments. Et d'ailleurs, on va en écouter un autre extrait tantôt. J'ai bien aimé, c'est sûr. On connaît un peu la touche RPVL là, dans le vocal, sur le chant. Bon, ça fait un peu Floyd par bout, mais qui va s'en plaindre, dirait-on. Et on va aller faire un petit tour du côté des États-Unis, cette fois avec une nouvelle formation. Ça s'appelle Box... Ben, nouvelle, enfin, c'est récent. Le Box of Shamans, constitué de membres de d'autres groupes encore... Je ne sais pas si Heliopolis, je pense qu'Heliopolis n'existe plus parce que le batteur est rendu avec Box of Shamans. En fait, j'ai pas de nouvelles. Et d'autres membres aussi de d'autres groupes. Donc, je ne sais pas si c'est un projet juste pour un disque ou si ils ont l'intention de poursuivre. Mais c'est assez intéressant. Bon, on dénote quelques petites influences de Yes et de Roche, mais rien pour défriser personne. Donc, Box of Shamans, Belief and Illusion, c'est ce qu'on écoute dans quelques secondes. Le temps de vous rappeler que c'est Terrain Incognita avec Michel et Bruno jusqu'à minuit, et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Don't look to the past for answers. Don't look to the past. No, don't look to the past for answers. Don't look to the past. No, don't look to the past for answers. What mystery will be there? No, don't look to the past for answers. Life's abundance we can share. Don't we this world if a chain of we'll be right back. pleasure is to pain. To know the truth.

see you, I feel glad. Never want to go again. Can you keep in mind I never will show up again? I am not here to say I'm sorry. Many times before I tried to sing the song for you, so I thought you'd hear it, but you never listened to. All the time I wait for you, I can see that it's never true. Lift me up and hit me back to the ground. Of American pie. I am not here to say I'm sorry. All the time I wait for you, I can see that it's never true. How can you go? Too small for the thoughts you could gain and the good things you can bring into the world. Lift me up and hide me in the. Lift me up and hide me in the. Lift me up and hide me. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. À ne pas manquer cette semaine sur La Fabrique culturelle. L'œuvre ne vous appartient plus. C'est terminé. Elle appartient maintenant à celui qui la voit. Alexandre Taillefer, un dragon chez les artisans. C'est une espèce de mix de plein d'influences, de plein d'amis, de party, de composition. Le groupe Canaille, en pleine séance de création dans un chalet. Tout le talent d'ici, une seule adresse. Lafabriqueculturelle.tv. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Dix bières bouteilles, huit bières en fût. Un service casque et un Randall. La Barberie vous propose ses bières et tapas, les bières fromages, les dimanches stout et les mardis apportez vos vinyles et encore plus. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, suivez-nous sur Facebook. Qu'il soit symbolique ou esthétique, discret ou très voyant, le tatouage a une histoire. Il est ancré dans notre corps. Voilà pourquoi il faut bien faire les choses. Tatouage Celtique a fait ses preuves. C'est l'endroit de référence à Québec pour le tatouage et le perçage depuis maintenant 16 ans. Nos professionnels sauront vous conseiller pour faire les choix qui vous conviennent le mieux. Ils assurent un suivi personnalisé auprès de la clientèle de tous âges. Ouvert du mercredi au vendredi de 11h à 20h et le samedi de 11h à 17h. Pour avoir des réponses à vos questions concernant le perçage, le tatouage, les bijoux ou le détatouage au laser, consultez notre site web tatouageceltique.com. 418-626-6158. Thank you, mate. Hey, ça brasse un petit peu. Oui, on va jeter un petit coup d'œil en arrière. Il y avait la dernière pièce, c'était un petit peu comme. Je dirais que c'était pas pop, mais pas loin, là. Mais j'aime beaucoup la façon de travailler. Ça me rappelle un peu les Who, peut-être. Parsifal Eyes, Defragments. Et j'ai dit le deuxième, mais je suis pas sûr. Mais il me semble que oui, c'est le deuxième. Tout juste avant, on avait Exovex. Ça nous vient des États-Unis. Oui, je peux les plier, là. E-X-O-V-E-X. Exovex. L'album Radio Silence. Vous avez probablement remarqué qu'il y a quelques clins d'œil à Steven Wilson. ça, on peut pas passer à côté. Et d'ailleurs, le claviériste invité, c'était Richard Barbieri. Puis il y a Kevin Harrison qui joue aussi sur une pièce de ce disque. Donc, et c'était la pièce Stolen Wings. Leur présence explique bien des choses. Et moi personnellement, j'adore le disque, mais je veux dire, c'est pas comme complètement, comme on pourrait dire, original. Mais vu qu'on aime beaucoup Steven Wilson, on est prêt à écouter bien des choses là qui se rapprochent de près ou de loin. Et Exovex, ça en fait partie. Et puis on avait amorcé avec Box of Shamans, que je vous disais, c'est sûr que ça sent Yes, le Close to the Edge, puis Tales from Topographic Ocean. Et je pense qu'ils en ont écouté pas mal. Donc, Belief and Illusion, c'était la pièce de Search. Déjà aux heures, dernière heure ensemble, on s'est préparé un petit bloc de prog italien. Je pense qu'on aime ça. Bruno, lui, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Bruno. Il adore le prog italien. Et c'est ça, on a trois pièces bien tassées. Là, on commence avec Pandora. Un extrait de l'album Alibi Philosophico. On va voir aussi la Cosenza di Zeno, le nouveau, la Notte, Anche di Giorno. Et puis, on va terminer. Mais là, je pense que je le dirai pas. On va garder une surprise pour le troisième. Donc, notre bloc de prog italien de la soirée, c'est Terra Incognita, Bruno et Michel. Et si on est avec vous jusqu'à minuit. Thank you. sprofonderà. cresciuta sopra le aspre montagne, imprigionata dalle doglie del parto di madri infelici. Lei madre antica rinchiusa, sopravvissuta al lavoro. Nel campo di rieducazione, spogliatevi donne alle docce, il legno germoglia ed odora di morte certa, morte certa. Di seme feconda il legno e genera stato che hanno sapore di morte certa, morte certa. La lama feconda il legno e genera stato di donne trafitte. Donne nella storia per fissarle alla memoria, due modi di affrontare la paura ed il dolore. No. Madre antica, risuoni il tempo. C'è dietro le spalle dell'arcobaleno, la storia nuda in ginocchio ci implora perdono. Cosa c'è dietro le spalle dell'arcobaleno? La storia nuda in ginocchio ci implora perdono. c'è fioca dei sogni. Il vecchio uomo si volge indietro senza rimpianti, vede il suo passato. Parlò il vecchio uomo, usò sagge parole, è importante, disse l'uomo, avere dei sogni, liberare. Verso i sogni. correva nel cuore, sì, nel cuore, negli occhi e correva, liberando la mente, sognando, costruendo il suo grande futuro nel seguitare le stagioni. Castello di Atlante, de leur plus récent Arx Atlantis. Il y a une petite mention dans le bas de la pochette là, qui me fait penser qu'on va peut-être, on va peut-être en avoir une autre version parce que c'est bien spécifié en bas là, de la pochette. Special Limited Edition for Bayapro 2014. Donc, et puis moi, sauf erreur, là, ça faisait comme un bout qu'on attendait ce disque-là, puis on n'avait pas de nouvelles, mais là, apparemment qu'ils en ont fait un petit pressage en 2014, il en restait quelques-uns, et puis on a pu se le procurer à la convention Terra Incognita en mai dernier, mais d'après moi, il va y avoir autre chose, là, j'ai bien l'impression. Il va peut-être avoir une version 2015 ou 2016, là, parce que le nouveau claviériste est supposé ajouter sa touche sur les... Donc, en tout cas, on va en profiter. Moi, j'étais le premier surpris quand j'ai vu avec ça, arriver avec ça sur la table. Je me suis dit, hey, il n'est pas supposé de sortir ce disque-là. Et puis, ben, en tout cas, on l'a. Et puis, ben, bon, je vous disais que justement, c'était un bloc italien. On va remonter. La Conscienza di Zeno. Moi, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et surtout depuis que Lucas Carani s'est joint au groupe, ça a ajouté vraiment... Lucas Carani, c'est un claviériste arrangeur qui travaille beaucoup avec Fabio Zuventi. Et puis, ben, on reconnaît sa signature sur ce disque ici, là, la notée Anche di Giorno, parce qu'il y a beaucoup d'arrangements de cordes. Et puis ça, c'est son point fort à Lucas Carani. Et puis, ben, le groupe en profite. Ça, c'est un groupe que j'aimerais effectivement voir en concert. J'en parlais avec Bruno tantôt. Là. La Conscienza di Zeno. Et on avait amorcé avec Pandora, Alibi Filosofico. Et 11h30, dernière demi-heure. On va aller se promener un peu encore. Il y a quelques surprises. On va donner le coup avec... ça nous vient... J'ai reçu ça cette semaine, ça, d'Angleterre. Le groupe Paradox One, et c'est le titre, c'est This Fragile Peace. Moi, j'ai pas eu le temps vraiment d'écouter une écoute. C'est pas ce que j'appelle écouter. Là. Je l'ai entendu, mais je l'ai pas écouté. Mais ça c'est de bonne augure. Donc, je vais partager ça avec vous ce soir. Là. Paradox One, This Fragile Peace. C'est Terra Incognita, Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit. dernière demi-heure. Après ça, ben, c'est l'autoroute. Et Bruno m'a dit que Stéphane est au rendez-vous ce soir. Et puis, ben, on a une bonne demi-heure de musique encore devant nous. Et c'est KRL 89.1. You wait at the gate for another chance to wait. Waiting in airports, waiting in airports. Delay forces you to Delhi, inside the airport galley. Waiting in airports, waiting in airports. Further opportunity to choose that seems to be following you, because you're waiting in airports, waiting in airports. Thank you. sky when the day plummets the abyss. Find you in the muted glare. When did you notice this? Solid gold shine in the Father's mind. Creator, maintainer, destroyer, or lawyer. They find you in your bit of fluff. Who looks like a faded Goya. She only comes for the consolation. Striding like a hag with comfort inside. Spreading through the population. Oh my god, baby, I'm so fucking tired. These days of Gomorrah are a tribulation. Buckled to the ground, staggered neath the weight. Silence like a lamb in transmigration. When the moon has left the night. When the light shatters your eyes. I see you through the membrane wall. For you to rise. Tiny piece of space in front of your face. Tiny black hole instead of the soul. I see you cross the crowded room where solid lines just fold. Paragraph includes sight to be the blind. tracks of the girls that they have found. Where the candle sends a light of doubt. Open the door, look back and blow it out. Open the door. Down.